Chant numéro 15. La douce volonté par laquelle s'exprime l'amour qui vole droit, comme la convoitise ne saurait s'exprimer si ce n'est par le mal, imposa le silence à cette aimable lyre et rendit le repos à ces cordes sacrées que la droite du ciel éveille et fait vibrer. Comment resterait sourd à de justes prières ces esprits qui d'un coup, pour me donner envie de les interroger, se taisaient à la fois. Celui qui, pour l'amour des choses éphémères, se dépouille à jamais tout seul de cet amour, n'a pas trop pour pleurer des siècles éternels. Tel que dans le soir tranquille et sans nuage, file de temps en temps l'étincelle rapide, appelant le regard qu'elle prend par surprise, en sorte qu'on dirait qu'une étoile voyage, quoique de cet endroit qui la vit s'allumer, nul ne s'en détache, et qu'elle dure à peine, tel, à côté du bras qui s'étend vers la droite, un astre descendit, se séparant des autres, qu'on y voyait briller, jusqu'au pied de la croix, le joyau demeurant toujours dans son écrin, et fila tout au long du pilier éclatant, comme un feu glisserait derrière un mur d'albâtre. Avec autant d'amour, jadis dans l'Élysée, si l'on croit ce qu'en dit notre meilleure muse, courait l'ombre d'Anchise apercevant son fils. Ô sanguis meus, ô superinfusa gratia Dei, sic ut tibi, cui bisunquam celi januar reclusa, ainsi disait l'éclat où je mis mon regard. Et puis je le tournai de nouveau vers Madame, restant de part et d'autre également saisi, car au fond de ses yeux brillait un tel bonheur que je crus par les miens toucher jusqu'au fond de ma grâce elle-même et de mon paradis. Plus belle encore à voir qu'il était à l'entendre, à ce commencement il ajouta des choses que je ne compris pas tant il était profond. Ce n'est pas qu'il cherchât à me paraître obscur, c'était sans le vouloir, car ses conceptions dépassaient de trop loin la mortelle mesure. Et lorsqu'enfin, de l'arc de son amour ardent, la flèche fut partie, et que de son discours le sens vint au niveau de notre entendement, les propos que d'abord j'entendis prononcer furent « Béni sois-tu, trois et un à la fois, qui fit cette faveur à quelqu'un de ma race. » Ensuite il poursuivit « Le jeûne long et doux que je traîne avec moi, lisant le long volume où le blanc et le noir restent toujours pareils, ô mon fils, a pris fin au sein de la lumière d'où je te parle ainsi. » Par la grâce de celle qui te rendit ailée pour un vol si hautain. Tu crois que tes pensées, par la première essence, arrivent jusqu'à moi, comme pour qui le sait, le 5 comme le 6 viennent de l'unité. C'est pourquoi tu t'abstiens de demander mon nom, ou la raison qui fait que je suis plus heureux que les autres esprits de cette foule allègre. Ce que tu crois est vrai. Car tous, petits ou grands, dans la vie où je suis, nous voyons le miroir où le penser se montre avant qu'on l'ait pensé. Mais pour mieux contenter la sainte charité qui fait le seul objet de ma veille éternelle et qui me donne soif du plus doux des désirs, dis de ta propre voix sûre et joyeuse et ferme, dis quel est ton vouloir et quelle est ton envie, car ma réponse est prête et n'attend plus que toi. Alors je regardai Béatrice. Elle sut mon désir sans discours et fit en souriant le signe qui donnait des ailes au désir. Et je dis à l'esprit, l'amour et l'intellect, depuis que vous voyez l'égalité première, ont pour chacun de vous un seul et même poids, parce que du soleil qui vous brûle et vous baigne, la chaleur et l'éclat sont tellement égaux que les comparaisons seraient insuffisantes. Pourtant, chez les mortels, l'envie et les moyens, pour les raisons que vous connaissez si bien, ont l'aile bien souvent diversement puissante. Et moi, qui suis mortel, je ressens vivement cette inégalité. C'est pourquoi je rends grâce rien qu'avec tout mon cœur à cet accueil paterne. Pourtant, je t'en supplie, ô vivante topaze, qui garnit de tes feux ce joyau sans pareil, satisfais mon désir de connaître ton nom. Ô feuille de ma plante, ô toi que j'attendais avec tant de plaisir, vois en moi ta racine. Tel fut le bref début qu'il fit à sa réponse. Et puis il poursuivit. Celui dont est venu le nom de tous les tiens fait depuis plus d'un siècle sur le premier palier le tour de la montagne. Il était mon enfant et fut ton bisaïeul. Et ce serait raison si par tes bonnes œuvres tu voulais abréger cette longue fatigue. Florence, dans l'enclos de ses vieilles murailles, d'où lui vient tous les jours l'appel de tierce et nonne, vivait jadis en paix, plus sobre et plus pudique. On n'y connaissait pas bracelets ou couronnes, ou ses jupons brodés, ou ses belles ceintures, que l'on regarde plus que celles qu'il aimait. La fille qui naissait n'était pas pour son père un objet de terreur. L'âge comme la dot ignorait les excès, en trop peu comme en trop. On vivait entassé dans des maisons modestes, puisque Sardanapale n'avait pas enseigné le parti que l'on peut tirer de simples pièces. Votre uccellatoio n'avait pas surpassé le monde Marius, mais comme il l'a vaincu par la splendeur, la chute en sera de plus haut. Bellincione Berti de son temps se saignait de cuir et d'os. J'ai vu sa femme revenir du miroir sans avoir maquillé son visage. Et j'ai vu les Nerli, comme les Vecchio, se contenter souvent de leur peau toute nue, leur femme du fuseau et de leur quenouillée. Heureuse femme, vous saviez à l'avance où serait votre tombe. Aucune n'est restée toute seule en son lit à cause des Français. L'une passait son temps veillant sur le berceau et en le balançant employait le langage qui fait l'amusement des pères et des mères. L'autre, de son côté, tout en filant la laine, racontait aux enfants les histoires anciennes des Troyens, de Fiesole et de Rome la Grande. On eût été surpris d'y voir des Changella, des Lapo Saltarello, plus qu'on serait de voir aujourd'hui Cornélie ou bien Cincinnatus. Dans ce charmant repos, dans cette belle vie de tous les citoyens, dans cette république pleine d'honnêteté, dans ce si doux séjour, m'a fait venir Marie à grands cris invoquer. Le baptistère ancien m'avait vu recevoir, avec la foi du Christ, le nom de Cacciaguide. Morante et Élisée ont été mes deux frères. Ma femme descendait de la rive du Pô, et c'est d'elle que vient le surnom qu'on te donne. Ensuite, j'ai servi sous l'empereur Conrad, et fus reçu par lui dans sa propre milice, tant il avait engré mes belles actions. Je marchais sur ses pas contre l'iniquité de la religion, dont les sujets usurpent, aidés par vos pasteurs, votre droit légitime. Et c'est là que je fus par cette race immonde détaché des liens de ton monde trompeur, dont la funeste amour avilit tant d'esprits. Et j'obtins cette paix au prix de mon martyre.